Est-ce que vous m'entendez, les gars? Et les gars? Oh. Est-ce que vous m'entendez, bande de PD? Ah. Et là, je m'entends en écho. Pourquoi est-ce que je m'entends en écho? Ça vient de qui? Ouais, ça vient de Yannick, je sais pas pourquoi, mais genre, je crois que... Genre, déjà, pourquoi j'entends le clic sur la piste de Yannick? C'est trop chelou. Genre, le clic, il est aussi affiché sur la piste de Yannick. Arrête, Hugo, on va pas faire du Nirvana, ferme ta gueule. Pourquoi tu veux faire du Nirvana, ça? Yannick, on entend en écho sur ta piste, genre 4-5 ans. Sinon, j'en ai un autre qu'on peut utiliser dans le même genre que Ninjam, qui apparemment marche beaucoup mieux. Hugo, tu peux brancher ton micro, comme ça on voit si au niveau des discussions comment ça se passe, s'il y a une latence ou pas, parce que là c'est en train de me rendre fou. Genre, en fait, je m'entends genre peut-être 10 secondes après en écho sur la piste de Yannick. Ouais, Hugo. Ouais. Ouais, Yannick leur dit d'Hugo a craché. Je comprends pas, genre toi tu m'entends en même temps que je joue ou pas, tu penses? Justement, je me suis renseigné, c'est pas du tout le concept. Le concept, c'est que tout est. Il n'y a pas de latence. Tu peux même jouer sans. Enfin, le concept de ce genre de plugin, c'est ça. Maintenant, est-ce que Ninjam est mal foutu au point que. Enfin, ça, oui, mais ça n'a aucun sens parce que du coup, on peut pas jammer avec. Mais c'est évident qu'on joue pas ensemble là. C'est évident qu'on joue pas ensemble là. Veux que je reteste quoi, Yannick? Ouais, j'ai toujours l'écho, ouais. Et c'est salement après, ça commence à m'inquiéter d'ailleurs. Hugo, je vais raccrocher, je vais appeler Yannick parce que. Bah, attends, je le fais, non, laisse.